quatrième et dernier temps de notre semaine consacrée à Louis XIV. Et ce matin, nous nous attacherons aux 20 millions de Français qui habitaient son royaume au XVIIe siècle. Ce jeudi, avec Anaïs Quien, nous nous penchons sur l'œuvre du grand historien du XVIIe siècle que fut Pierre Goubert, auteur de Beauvais et le Beauvaisis au XVIIe siècle et d'un best-seller, Louis XIV et 20 millions de Français, qu'il finissait d'écrire il y a tout juste 50 ans, en 1965. Eh bien, Pierre Goubert aurait eu 100 ans cette année. Comment les historiens se sont-ils emparés de son œuvre? Ses travaux pionniers sont-ils encore utilisés? C'est ce que nous verrons avec nos quatre invités. Nicolas Chapira, il est enseignant-chercheur à Marne-la-Vallée, auteur d'une thèse sur un homme de lettres du XVIIe siècle. Il participe à la journée d'études sur Pierre Goubert qui se tiendra le 13 octobre prochain à l'École normale supérieure de Lyon. Nicolas Lioncamp est également avec nous, il est chargé de recherche au CNRS, il travaille entre autres sur les inégalités dans la France moderne. Fanny Cossandé est maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, elle travaille sur le pouvoir monarchique en France et elle publiera bientôt un livre sur le rang, le fameux rang dont on a parlé mardi dans notre documentaire sur la mort du roi. Et Jean-Marc Morisseau est également avec nous. Il est professeur d'histoire à Caen, il est directeur d'histoire et société rurale et co-directeur du pôle rural de Caen, spécialiste des paysans français, mais également des rapports de l'homme et du loup en Europe. Le livre, vous constatez qu'il ne commence pas par la naissance et la jeunesse du roi, mais par la présentation du royaume, qui habituellement n'est pas présenté au grand public ou lui est très mal présenté. Oui, vous dites le grand est tragique, XVIIe siècle, pourquoi ? Il est tragique parce que au XVIIe siècle, comme d'ailleurs au siècle précédent, un certain nombre de malheurs qui sont courants, qui sont habituels, continue à s'abattre sur les habitants de la France. La peste rôde encore, elle rôdera jusqu'en 1720, après elle disparaîtra. Des épidémies épouvantables rôdent aussi. Les Français, une partie des Français au moins, sont de temps en temps en proie à une véritable disette qui aboutit à une famine. Et enfin, la sécurité du territoire, comme on dira aujourd'hui, n'est pas parfaitement assurée, puisque des révoltes éclatent, ça et là. Tragique encore, parce qu'il se coule dans ce qu'on appellera aujourd'hui une conjoncture économique difficile, de déflation, et tragique enfin, parce que sur 50 et quelques années de règne, les deux tiers au moins ont été occupés par des guerres difficiles, par des guerres chères, par des guerres qui ont épuisé, au moins en partie, la substance profonde du royaume. Voilà qui était envoyé, c'était en 1966, au moment de la parution de Louis XIV et 20 millions de Français, un livre qui a été considéré, donc de Pierre Goubert, qui a été considéré à l'époque comme une sorte de brûlot. D'ailleurs, dans la republication un peu plus tard, en 1976, de ce livre en collection plurielle au livre de poche, il avait demandé à mettre toutes les critiques qu'il avait eues à ce moment-là, et c'est vrai que c'est intéressant de les lire, ces critiques, parce qu'elles sont très fortes. Peut-être, pour commencer cette émission, il faudrait rappeler la figure de Pierre Goubert. Vous l'avez connu, Jean-Marc Morisseau, bonjour. Oui, bonjour. Oui, dès la licence, j'assistais d'abord à ses cours, évidemment, qui étaient passionnants, et surtout à son séminaire. Pierre Goubert, c'est en quelque sorte une révélation pour moi quand j'étais déjà en Hippocagne, en étudiant l'histoire sociale de la France, de l'Ancien Régime. La lecture des paysans du Beauvaisis, ça a été une véritable découverte, permettant de voir d'abord un historien qui sait écrire, un historien qui sait faire transparaître les réalités du passé et qui part de bas pour aller en haut en s'interrogeant sur les conditions du petit peuple, des villes et des campagnes, pour en comprendre après l'orientation à travers la domination, évidemment, des élites urbaines. Et Pierre Goubert, c'était pour moi un maître à penser, un maître à écrire et également, je dirais, un artisan du savoir-faire un peu des historiens. Oui, et Nicolas Chapirin, vous participez à cette journée d'études qui aura lieu le 13 octobre prochain à l'École normale supérieure de Lyon. C'est vrai que c'est le centenaire de la naissance de Pierre Goubert, c'est le 50e anniversaire bientôt de la parution de Louis XIV et 20 millions de Français. Mais tout compte fait, on peut se dire, ben voilà, un historien qui a compté pour une génération et qui peut-être a moins d'importance aujourd'hui. Pourquoi lui rendre cet hommage-là dans une journée d'études, justement, Nicolas Chapirin? D'abord parce qu'il a été un pionnier, hein, vraiment on peut dire, dans le domaine des études de démographie historique. Il a vraiment installé ce champ de recherche hein, qui consistait donc à mettre au jour les structures profondes d'évolution de la population à cette époque. Hein. Donc un champ de recherche qu'il a porté pendant longtemps. Et puis aussi, donc entre autres, parce que il a fait ce livre qui a été qui a marqué une rupture dans le champ historiographique à cette époque, ce Louis XIV et 20 millions de Français. Et alors il a désigné. Dans l'extrait que vous avez proposé, il a désigné le lieu de cette rupture. Hein. Il a intitulé son livre « Louis XIV et 20 millions de Français hein, » et non pas « La France de Louis XIV ». Mmh. Et là, là est la rupture, en fait. Hein, c'est-à-dire que il marquait par là ce que faisait tant de turiféraires de Louis XIV en proposant des biographies, c'est-à-dire proposer une biographie de Louis XIV à la place d'une histoire de la France au temps de Louis XIV. Et lui, donc, il a prétendu faire l'inverse, hein, et les premiers mots de son livre, c'est « Encore un Louis XIV ». Et il faut dire aussi, Jean-Marc Morisseau, que ce Pierre Goubert a un itinéraire un peu particulier. Il est d'abord instituteur, il commence à enseigner avant la guerre, puis après la guerre, il rédige cette thèse qui paraîtra en 1963. Et on se demande parfois, quand on lit, et l'un d'entre vous m'a fait parvenir le lien sur percé.fr que vous pouvez aller voir de la critique dans les annales de Fernand Braudel, qui fait une dizaine de pages et qui est d'une dureté en même temps que d'une fausse admiration. On se demande si on ne lui fait pas payer aussi cet héritage de quelqu'un qui n'a pas fait ses études au même temps que les autres, qui a, au bout du compte, travaillé longtemps avant de rédiger sa thèse sur Beauvais et le Beauvaisis au XVIIe siècle, Jean-Marc Morisseau. Oui, alors Pierre Goubert disait à ses élèves, et l'a écrit dans ses souvenirs, qu'il était destiné plutôt à faire de la littérature. Et il a fait effectivement l'École normale supérieure de Saint-Cloud, il a hésité un certain temps, et finalement ça a été l'agrégation d'histoire, et puis une thèse sur Beauvais, qui était un premier poste, et en s'immergeant à Beauvais, il découvre les archives du Bureau des Pauvres, et à partir de ces archives qu'il découvre, eh bien c'est toute son orientation qui en dépend, c'est par les petites gens, que désormais, il va faire son itinéraire. Et que ce soit à Rennes, il a été ensuite professeur à Rennes, ensuite à Paris 1. Il est passé par Nanterre aussi. Et Nanterre, tout à fait. Donc, ces trois universités, il dirige des étudiants dans des maîtrises, des diplômes d'études supérieures et des thèses qui vont s'accumuler sur l'histoire sociale et économique de la France au XVIIe et XVIIIe siècle. Et effectivement, à partir de la démographie historique, qui pour lui est en quelque sorte un point de départ vers l'histoire sociale. Anaïs Quien. Oui, Nicolas Chapira, peut-être pour finir temporairement ce portrait de Pierre Goubert et de cet ouvrage, Louis XIV et 20 millions de Français, comment le lit-on aujourd'hui? Comment écrivait finalement Pierre Goubert? Quelle est cette littérature historique dont on parle aujourd'hui dans la Fabrique de l'Histoire? Pour dire que la marque de fabrique de Pierre Goubert, c'est un récit extrêmement enlevé, hein, qui prend le lecteur par la main et avec une capacité à vraiment à parler à son lecteur. Et alors, il y a le Louis XIV et 20 millions de Français, mais Pierre Goubert reste aussi comme un grand historien pour le grand nombre d'ouvrages à destination d'un public étudiant ou à destination du grand public qu'il a écrit. Et alors, on peut mentionner un ouvrage assez pionnier sur les cahiers de doléances des États généraux de 1789 qui montrait, hein, avec un ouvrage de la collection Archives, hein, qui qui montrait beaucoup pour le grand public ses cahiers de doléances. Les Français ont la parole. Voilà, les Français ont la parole. Et puis il y a un grand manuel qu'il a publié entre 1969 et 1973, hein, un manuel d'histoire de l'Ancien Régime, qui a ensuite été réédité avec un deuxième tome qui est dû à la plume de Daniel Roche en 1984. Et ce manuel, donc on peut dire déjà ancien, est toujours conseillé, fait partie toujours de la bibliographie que l'on propose couramment aux étudiants pour les introduire à l'Ancien Régime. Et la qualité d'écriture compte beaucoup, autant que la richesse du livre, dans la pérennité, hein, extraordinaire de ce manuel. Alors, puisque vous parlez de la qualité d'écriture, il faut peut-être en lire un tout petit peu pour que nos auditeurs l'entendent, cette voix de Pierre Goubert posée sur le papier. Chez Louis XIV, la gloire cavalière et juvénile des années 60 n'annonce pas encore l'insolence brutale des annexions en pleine paix des années 80. Moins encore, la raison, la dignité courageuse des années de défensive de la faim. 55 ans de règne ne saurait en aucun cas se ramener à une formule. Le seul facteur d'unité, c'est la direction royale, orientée vers la grandeur. Tout le reste est changement, ténu ou profond, lent ou rapide. Fanny Cossandé, vous êtes servi de ce Louis XIV et 20 millions de Français pour faire vous-même vos études d'histoire et travailler sur l'absolutisme, sur l'Ancien Régime et sur les pouvoirs dans cette France d'Ancien Régime? Alors, j'ai grandi avec, en quelque sorte, puisque ça faisait partie des lectures qu'on nous conseillait quand on commençait nos études en histoire, il y a de ça quelques années. Les perspectives ont quand même pas mal changé depuis. Ce Louis XIV et 20 millions de Français de Pierre Goubert, c'est une articulation, un tissage extrêmement habile et séduisant, à la fois du roi Louis XIV et de la France de Louis XIV et du royaume. Les 20 millions de Français, c'est le royaume de France. Absolument. Chez Pierre Goubert. Et de cette histoire-là entre un roi et son royaume, on est passé beaucoup plus à une histoire des relations de pouvoir, des rapports de force entre une monarchie et son territoire. Ce qui n'est pas exactement la même chose, en fait. Et de ce point de vue-là, Pierre Goubert n'est plus tout à fait, je dirais, d'actualité. Enfin, qu'il disait dans ce Louis XIV et 20 millions de Français qui serait peut-être un peu passé de mode? Est-ce qu'il était, par exemple, parce que quand on parle du peuple, est-ce qu'il était considéré comme un historien marxiste? Est-ce qu'il était un historien qui avait, d'une certaine façon, dans son bagage, justement, cette vision du peuple à la Michelet, pourrait-on dire, qu'il appliquait à la France du XVIIe siècle? C'était quoi cette description de la France du XVIIe siècle qu'il voulait faire en renversant la figure du roi, ou plutôt en mettant d'abord les 20 millions de Français autour de ce roi? Il ne niait pas l'importance de Louis XIV, mais en tout cas, il considérait qu'il était plus important de parler de ces petits, de ces sans-grades, de ceux qui souffraient dans le royaume de Louis XIV. C'est-à-dire que là, ça part de sa thèse, hein, et de ses recherches sur ce monde-là, sur ce monde rural, sur la population de la France d'Ancien Régime, plus que des pouvoirs vus d'en haut. Et de ce point de vue-là, ce qui l'intéresse, c'est de mettre en confrontation à la fois l'image d'un grand roi et un univers social qui est assez difficile, en fait. Mm-hmm. Mais vous avez l'air de nous faire un portrait de ce livre avec à la fois une description de Louis XIV, de ses représentations et de ce monde rural sans interaction, finalement. On a l'impression qu'il y a un accident. D'ailleurs, c'est Louis XIV et, oui, 20 millions de Français, mais pas en rapport avec, d'une certaine façon. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire que il le considère pas, Pierre Goubert considère pas Louis XIV comme un grand roi. Il regarde son règne tempéré, en quelque sorte, de l'état de la France à ce moment-là. Mmh. Pour autant, il reste, et c'est là une marque, je pense, de l'époque aussi, il reste marqué par le personnage de Louis XIV, les grands ministres, quelques grands hommes, en fait, qui figurent dans ce livre, et la France au même moment. Oui, Nicolas Lyon-Caen, il égratigne quand même certains des grands ministres, Colbert le premier, qu'il égratigne assez sévèrement. Il dit en gros que c'est un voyou, que c'est une sorte de personnage qui a fait fortune alors qu'il passe pour un vertueux. Et la plupart d'ailleurs des gens qui entourent Louis XIV, selon Pierre Goubert dans ce livre, et il réitérera cela dans une préface qu'il donnera à la réédition en livre de poche 10 ans plus tard, sont des voyous qui ont piqué dans les caisses de la France. Enfin, il le dit pas de façon aussi radicale que ça, mais il y a cette vision-là. Donc il travaille vraiment sur l'inégalité, sur la captation des richesses, etc. C'est un de vos thèmes, Nicolas Lyon-Camp. Oui, alors, il n'aime, disons que dans le Louis XIV et 20 millions de Français, il n'aime pas les puissants. Oui. C'est clair, il y a une critique assez forte des quelques personnages qui apparaissent nommément. Parce qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça. La cour en particulier n'existe quasiment. Ce qui est assez frappant, ça fonctionne donc par contraste. Il y a le groupe de ceux qui commandent, qui sont en tout petit nombre, et puis il y a le royaume d'où n'émerge que très peu de noms, en fait. Donc il n'y a pas de corps intermédiaire, finalement, j'ai bien dans ce livre-là, non. Alors que par ailleurs, il peut y être sensible. C'est-à-dire que dans Beauvais et le Beauvaisis, fait attention aux personnages des marchands fabricants en particulier, des élites urbaines, ce qu'il appelle les familles de Beauvais. Il a commis un petit ouvrage qui est très très intéressant sur deux familles marchandes, les danses et les modes de Beauvais, deux modèles d'ascension sociale ou de destins sociaux contrastés. Donc il est sensible à tout ça, mais le livre ne le montre pas. Et il dit par exemple, à propos de Colbert, faut le citer, l'énorme labeur de Jean-Baptiste Colbert a été caricaturé par les échafaudages des gens à système et écrasé sous l'Himalaya des dithyrambes. Les juristes ont fabriqué des mots en isme, on imagine le corbettisme évidemment, et des démonstrations en trois points. Les grands bourgeois du siècle dernier ont fait de Jean-Baptiste un grand ancêtre, le prototype magnifique de l'excellence de la bourgeoisie quand elle gouverne, etc. etc. On voit bien effectivement que c'est une critique très sévère de Colbert. Sur Colbert, de toute façon, il y a deux grandes choses. Il y a d'abord sa connaissance d'une historiographie moins franco-centrée, en particulier Cole sur Colbert, et donc qui permet de relativiser l'originalité du personnage, l'originalité de ses conceptions, de ses représentations. Donc c'est plus des comptes réglés avec l'historiographie française de Colbert qu'avec Colbert lui-même. Et il y a l'aspect enrichissement personnel qui va aborder en partie à travers le personnage de Mazarin, dont il fera une biographie un peu plus tard. C'est évident, c'est des gens qui... Bon, et tout ce qui sera le système fisco-financier que Daniel Dessert, qui a fait sa thèse avec lui, si je ne m'abuse, développera encore plus. Oui, Mazarin est sans doute a rassemblé la plus grande fortune d'Ancien Régime, qui s'est dissipée assez vite, par tout un tas de prévarications. Et Colbert étant son intendant, il en a lui-même profité assez largement. Et la famille de Colbert aussi, oui. Mais... disons que les procédures d'enrichissement ne l'intéressent pas plus que ça. C'est de la corruption, ils sont pas très réglo d'une certaine façon. On a l'impression tout de même que il y a un côté de règlement de compte un peu avec une certaine historiographie qui valorise l'entourage du roi, etc. Et que dans ce règlement de compte, il y a d'abord la plume, parce qu'on a bien vu dans les deux extraits que j'ai lus la qualité de la plume, l'attaque, fielleux d'une certaine façon, et c'est très bien mené l'attaque de Goubert contre ces personnages-là. C'est très bien mené, c'est très fielleux, et c'est d'autant plus intéressant l'exposé que tout le monde attendrait dans une biographie sur le siècle de Louis XIV, des grandes années avec les grands écrivains, les grands peintres, passe en trois pages. Oui. C'est une des qualités de Goubert, excusez-moi, c'est une qualité de Goubert de reprendre finalement les procédés littéraires de l'écriture de l'histoire auxquels l'historiographie traditionnelle est très attachée. Oui, c'est ça. Pour l'inverser. C'est tout à fait vrai, ça. En tant qu'iconoclaste, et montrer que ces procédés littéraires ne doivent pas uniquement servir à décrypter le sommet de l'État, fût-ce dans ses arcanes de gouvernement et son administration supérieure, mais également intéresser le dehors, en quelque sorte, de l'État et le dessous, c'est-à-dire les populations. Alors, rurales, bien sûr, mais Nicolas l'a dit, Pierre Goubert était sensible également au petit peuple des villes, aux tisserands, aux artisans, etc. Et c'est peut-être une des raisons du succès, en particulier de ce livre, mais de beaucoup de livres de Goubert à l'époque, c'est que effectivement, il utilise des procédés narratifs qui sont habituellement utilisés par, disons, des historiens traditionnels, voire traditionalistes de la France, mais il les met au service d'une thèse qui, elle, est comme vous disiez tout à l'heure, iconoclaste, Nicolas Chapirin. Oui, je voulais dire que, malgré tout, il me semble que le livre de Pierre Goubert s'inscrit aussi dans une certaine tradition. Donc, à la fois, il réagit contre l'historiographie dominante, très conservatrice. En me documentant pour cette édition, j'ai trouvé un livre de 1965, un recueil d'articles qui s'intitule « La France de Louis XIV » et où, voilà, notamment il y a un article de une contribution de Roland Mounier, professeur à la Sorbonne à cette époque, sur l'ordre nécessaire et juste apporté par Louis XIV. La rupture goubertienne est éclatante, voilà. Mais alors en même temps, il s'inscrit dans une certaine tradition qui est la tradition de la dénonciation de l'envers du grand siècle. Voilà. Alors on peut citer par exemple un ouvrage des années 1860, le grand ouvrage d'Alphonse Feyé sur la misère au temps de la Fronde, qui examine déjà la situation du royaume, non plus depuis les luttes de factions, mais depuis la misère paysanne dans les campagnes. Et puis il y a aussi un ouvrage de 1924 de Félix Gueff qui est intitulé L'envers du grand siècle. Et dans le papier qu'il a fait lors de la mort de Pierre Goubert dans Le Monde, hein, Philippe-Jean Catinqui, il a intitulé son papier Pierre Goubert, L'envers du grand siècle. Mm-hmm. Mais donc, une certaine tradition, mais Pierre Goubert a repris cette tradition en l'armant de toute la force de l'histoire nouvelle qui se faisait dans ces années-là, l'histoire des annales. Sur ce point, Fanny Cossandet, justement. Oui. En fait, effectivement, il présente un Louis XIV qui est un peu ambigu. Il se défend, enfin, il justifie dans l'édition de Poche, la réédition qui est sortie, par rapport aux critiques qui ont été faites sur sa première édition, en disant « j'ai été très attaqué sur la façon de présenter Louis XIV et... parce que je le démystifiais, etc. » Toute une série de critiques, tantôt assez stupides, tantôt feutrées et obliques, tantôt éclatantes et sincères, je pense ici à Pierre Chaunu, ont soutenu que décidément ce livre présentait de la France du grand roi un tableau noirci et donné dans ce qu'on appelle le misérabilisme. Une réponse simple consisterait à renvoyer au cheval d'orgueil. Pierre-Jacques Elias, à travers ses souvenirs familiaux, présente un Péri Bigoudin des années 1900 au moins aussi noir que ma France du grand roi, Fanny Cossandet. Et pour autant, il a un regard sur Louis XIV qui reste une sorte de fascination. C'est-à-dire que le roi reste un très grand personnage, un grand roi, un inspirateur, un homme puissant qui est capable de mener le royaume de France malgré ses résistances, malgré ses structures pesantes et qui n'en fait pas un royaume nécessairement florissant. Mais l'homme lui-même, il en reste quand même, malgré tout, assez... Oui, il va d'ailleurs, à la fin de sa vie, préfacer les mémoires de Louis XIV, et il dira, à propos de Louis XIV, avec beaucoup de plaisir, une grande richesse personnelle de l'inspirateur-auteur, donc de ses mémoires, c'est-à-dire Louis XIV, qui ne peut se ramener à l'image figée de l'absolue majesté, Nicolas Lyon-Camp. Oui, par rapport à ce que disait Fanny, mais c'est vrai qu'il reste fasciné par le personnage, et surtout je pense qu'il lui attribue une qualité essentielle, c'est d'avoir assuré la paix intérieure. Parce que, et c'est là-dessus qu'il revient à la fin de Louis XIV, 20 millions de Français, pour lui, l'horreur absolue, c'est la Fronde. Alors, c'est aussi parce que c'est la Fronde dans le bassin parisien qui a des conséquences assez flagrantes sur les populations, et pour lui, c'est vraiment, de vue depuis Beauvais, le symbole de ce mauvais premier demi-siècle. Et tout le regard négatif qu'il peut porter sur ensuite Louis XIV qui mène le royaume à sa perte, qui a failli mener le royaume à sa perte, ça reste tempéré par cette idée que au moins il a réussi à garantir à l'intérieur la paix civile. Alors c'est peut-être la misère, mais c'est la misère sans la guerre, sans les soldats aux portes. Jean-Marc Morisseau. Oui, alors c'est pour revenir sur la question Goubert et la tradition. Et je pense que la tradition avec un grand T ce n'est pas l'envers du décor. La tradition avec un grand T, c'est quand même une sorte de célébration de la grandeur du roi et derrière le roi de la France à l'époque de Louis XIV. Le mainstream, c'est plutôt ça, oui. La question d'Octave Feuillet, de la misère au temps de la Fronde, 1850, etc., ou bien de Félix Guelf, ce sont deux exceptions dans une historiographie qui était quand même très, très louangeuse. Donc, Octave Feuillet était bien oublié. Et je pense que c'est effectivement l'un des intérêts de Pierre Goubert de montrer qu'au XIXe siècle, déjà, cette exception, un auteur s'était intéressé à la misère au milieu du siècle, et une misère quand même noire, qui ne s'expédie pas en trois mots. Parce que c'est ce qui intéresse Pierre Goubert, c'est que il y a quand même deux poids et deux balances tout à fait différentes entre la situation de 20 millions de Français, dont pour 80%, elle était effectivement extrêmement, elle était tragique, avec toute une série de conditions de mortalité, quand même 1 500 000 morts pendant la crise de 1693-94, autant que la guerre de 1914 pour un royaume deux fois moins important, avec la fièvre typhoïde, avec la famine, avec la désorganisation du royaume, des cas d'anthropophagie. On est quand même dans une situation que Goubert ne pouvait pas laisser passer en quelques mots pour faire le pendant symétrique, en quelque sorte, aux splendeurs de Versailles. Et je pense que ce n'est pas là de la tradition, c'est en quelque sorte, même s'il y a eu quelques devanciers, ça a été la mise en avant cette fois qu'il y avait d'autres acteurs dans notre histoire à l'époque de Louis XIV, qui étaient des acteurs de différentes catégories sociales, qui avaient vécu un temps particulièrement difficile, et Pierre Goubert voulait montrer en quelque sorte comment ces gens avaient survécu et permis finalement de financer la politique du roi et de permettre à la France ce qu'elle était, et pas uniquement de Versailles. C'est ce qu'il racontait d'ailleurs au Lundi de l'Histoire, dans une archive que vous avez sélectionnée, Anne Esquin. On est tout de suite après la sortie du livre. Aussi. Oui, le 17 octobre 1966, et il va expliquer en longueur à la radio ce que veut dire son livre. En effet, ce n'est certainement pas aux littérateurs, même excellents, qu'il faut demander raison du fond de la vie paysanne dans cette immense campagne et qu'est la France d'alors. Il faut le demander à des documents extrêmement humbles, mais extrêmement nombreux, comme par exemple les inventaires après décès, ou les papiers des tribunaux, ou des seigneurs. C'est à partir de ces documents-là, documents griffonnés, nombreux, mais souvent très précis, que les historiens, depuis une vingtaine d'années, ont ressuscité ces 15 millions de paysans. Cette immense majorité avait pratiquement trois problèmes à résoudre. D'abord, assurer sa subsistance à tous les points de vue. Ensuite, satisfaire les différents fiscs qui les sollicitaient. Le fisc royal, le fisc ecclésiastique, le fisc seigneurial et même le fisc paroissial. Et si, par-dessus le marché, ils avaient la chance d'avoir encore quelques excédents, ils pensaient à étendre leur exploitation et assurer l'avenir de leurs enfants. Naturellement, ce triple objectif était assez rarement atteint. La fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Peut-être à tort, mais sincèrement, j'ai toujours pensé que le travail de l'historien ne se ramenait pas à l'exaltation des gloires nationales, il existe des gens spécialisés dans ce commerce, mais dans la recherche honnête et toujours plus approfondie de ce qui est connaissable, beaucoup, en essayant de le comprendre, puis de le faire comprendre, et revivre, c'est ce qu'il expliquait dans la préface à la réédition en poche, Fanny Cossandé, c'est expliqué Pierre Goubert, donc dans cette réédition en poche de Louis XIV et 20 millions de Français, il y a là un programme, pourrait-on dire aussi, d'historien, c'est-à-dire travailler sur la compréhension, faire comprendre, on est assez proche de ce qu'on on entend là, Lucien Febvre, on entend là Marc Bloch, on entend là des sons qui nous rappellent quelque chose, d'une certaine façon, Fanny Cossandé. De fait, il s'inscrit dans cette lignée, il le revendique très clairement dans la lignée des annales. Et la force de ce Louis XIV et 20 millions de Français, c'est vraiment de donner à voir la France, le royaume de France sous Louis XIV, dans sa très grande profondeur, Et d'autre part, malgré tout, l'histoire politique qui est une trame qu'il arrive à suivre et il parvient effectivement à tisser les deux de façon assez fascinante. L'écriture, il fait beaucoup. La façon dont il démarre aussi son Louis XIV en partant des mémoires et des mémoires de l'année 1661 telles que Louis XIV la raconte, mais où lui-même, Goubert, en auteur, y réinscrit la situation de la France au même moment, et est une habileté d'écriture qui donne à voir précisément à la fois la voix du roi et la voix du royaume, d'une certaine manière. Mais cette bascule aussi, elle est due, peut-être, Nicolas Lioncan, à ce travail sur des archives qui avaient été mises de côté, peu regardées, peu vues aussi, toutes ces archives dont il parle, ces petits mots griffonnés, etc., qu'il a trouvés dans les archives du Beauvaisis, par exemple. Il y a aussi la résurrection d'un type d'archives que peut-être on regardait peu, on utilisait peu, et qu'il fait partie de ceux, dans cette génération-là, à les avoir utilisés un peu plus, peut-être, ces archives-là. Assurément, il les a utilisées énormément, mais comme d'autres à l'époque, c'est-à-dire oui, c'est ça. Il fait partie d'un mouvement. Il n'est pas seul. Donc oui, il y a une manipulation intensive des registres paroissiaux quand il en a sous la main, des sources fiscales, donc des premiers tarifs de capitation et autres impositions urbaines, des inventaires après décès, qu'il aime bien, même s'il n'y en a pas beaucoup pour le 17e, pour le Beauvaisis en tout cas. Oui, il est. Disons que c'est aussi un rapport à la temporalité de la recherche qui est tout à fait différent. Il a passé des années dans les dépôts d'archives beauvaisiens. Vous voulez dire qu'on n'a plus le temps de faire ça maintenant aujourd'hui? C'est pas qu'on n'ait plus le temps, c'est-à-dire qu'on peut pas le faire pour une thèse, ça devient difficile. Ouais, c'est ça. Pas combien de temps il a pris pour l'écrire, une quinzaine d'années, entre 10 et 15 ans. Oui, c'est ça, une quinzaine d'années, ouais. On travaille donc. Ouais. Aujourd'hui, une thèse qui prend 5 ans, c'est déjà long. Ça va pas au-delà de 5 ans, normalement. Voilà. Ouais, c'est ça. Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a des effets de mode qui jouent. Mais pour reprendre ce que disait Nicolas, qui est tout à fait étonnant dans les hasards de l'histoire, Pierre Goubert le dit très bien, il arrive à Beauvais, il veut faire une thèse sur Beauvais et le Beauvaisis, il va aux archives, les archives départementales sont une situation effrayante, et il voit uniquement des gros registres, c'est le bureau des pauvres de Beauvais. Donc il va là-dessus, il va aux archives communales, il voit un très gros registre sur justement la fin du règne de Louis XIV, les baptêmes, mariages, sépultures, autour de 1693-94. Vous voulez dire qu'il choisit ses sources en fonction de la couverture du livre? C'est les hasards des conservations d'archives. Et ça, et c'est dans notre domaine historien, c'est quand même très très important. Il y a des effets de mode qui jouent, mais il y a également l'accessibilité documentaire. Autrement dit, il y a des types d'archives qui sont faciles à traiter, qui sont directement accessibles, qui sont inventoriées, bien classées. Qui sont inédites pour certaines d'entre elles, oui, parce que personne ne les a vues avant vous, oui, donc vous avez plus de chance. Oui, et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc ça, il y a ce côté hasard un petit peu tout à fait intéressant. Alors effectivement, Pierre Goubert travaille sur les registres d'état civil anciens, mais dont il est l'un des grands défenseurs en démographie historique et en histoire sociale. À côté de lui, il y a Louis Henry, qui travaille dessus, il y aura Jacques Dupaquier, il y a toute une école de démographie historique dont on oublie aujourd'hui, à travers notamment sa société, qu'elle a été vraiment le fer de lance d'une histoire sociale, économique et culturelle de la France qui a traversé les générations dans les années 70 et 80. Qui réintégrait justement ceux qui laissent peu de traces dans les documents officiels, les réintégrer dans l'histoire d'une certaine façon. Oui, oui, oui. Et avec ces sources qui sont encore utilisées, et notamment par les généalogistes. Si bien que ce sont les généalogistes qui aujourd'hui ont un intérêt direct pour les travaux de Pierre Goubert, qui donnent des clés de lecture sur l'histoire de leurs ancêtres. Nicolas Chapira. Alors, c'est vrai qu'on pourrait lire le travail de Pierre Goubert comme une confrontation de sources. Mais peut-être que malgré tout, une critique que l'on peut faire à ce livre, c'est qu'il il reproduit en partie quand même un récit d'histoire politique un petit peu convenu, et ceci est aussi largement une affaire de source. Et alors peut-être je voudrais revenir un instant à cette histoire d'Anvers du Grand Siècle, à cette affaire d'Anvers du Grand Siècle, parce que comme l'a montré de manière extrêmement lumineuse Christian Jouot dans son livre Sauver le Grand Siècle point d'interrogation, qui dit Anvers dit endroit. Et cette catégorie envers endroit, en fait, elle est, on pourrait dire, elle est, elle est, Elle est inscrite dans les gènes du siècle de Louis XIV parce que elle est l'effort énorme de propagande qui a eu lieu au temps de Louis XIV a en même temps comme projeté une ombre avec dès ce temps-là des critiques en fait hein. Et du coup l'historiographie, c'est pas très facile de se dépêtrer de le grand roi et la misère. Ouais. Il y a un moment dans le livre de Pierre Goubert où cette question revient, et c'est notamment l'utilisation des mémoires de Louis XIV, où là, on a un retour de l'historiographie traditionnelle quand même, parce que ce texte n'est pas de Louis XIV, et il l'utilise comme si Louis XIV parlait. Il le sait, après il dit que c'est un inspirateur-auteur, mais il sait bien que c'est pas lui qui l'a écrit. Mais enfin, Fanny Cossandé, vous avez entamé tout à l'heure, en première partie de cette émission, justement, disons, une sorte de bilan de ce qu'on peut garder et de ce qu'on ne pourrait plus garder aujourd'hui de cette œuvre de Pierre Goubert autour de Louis XIV et de 20 millions de Français. Vous avez dit qu'on avait changé justement dans le rapport à cette question du pouvoir par rapport du roi par rapport à son peuple. Vous pouvez développer un peu sur cette question-là et donc dire ce qu'on fait aujourd'hui sur les mêmes thèmes mais de façon très différente de ce que faisait Goubert il y a 50 ans. Oui, à mon sens, ce livre qui reste une très très bonne introduction au siècle de Louis XIV en fait. Pour autant, la dimension la plus intéressante, même si depuis on a beaucoup travaillé dans le livre lui-même, ce sont les 20 millions de Français plus que le Louis XIV, qui apparaît de façon assez classique, comme un roi avec ses grandeurs et ses petitesses, telles qu'on les a depuis un peu développées, mais, et une histoire politique, là je rejoins Nicolas Chapira, très traditionnel, très convenu en fait. On n'apprend pas grand-chose de plus sur l'histoire politique elle-même que ce qui avait été fait jusque-là. C'est plus l'articulation entre les 20 millions de Français et Louis XIV, ou plus exactement les deux couches qui avancent ensemble. La juxtaposition. Celle du roi et celle du royaume. Alors, il est vrai que... Et peut-être en héritage aussi aux travaux sur les grandes structures, les grands travaux sur la démographie, sur l'histoire rurale, sur l'esprit des institutions aussi, pour citer Richer, sur cette façon de concevoir une histoire aussi anthropologique, a fait que les travaux sur le pouvoir maintenant sont moins des travaux sur quelques grands personnages, grands dans le sens puissant, hein, pas forcément de qualité, que sur des rapports de force, les tensions qu'il peut y avoir, les structures de gouvernement, et du même coup... Les résistances aussi. Les résistances qui sont liées aux structures plus qu'aux hommes eux-mêmes. Et pour ce qui est de l'inégalité de richesse, par exemple, sur laquelle vous travaillez, vous voulez rajouter quelque chose, Nicolas Lyon? Ce qui est assez frappant dans Louis XIV et 20 millions de Français, c'est que, en gros, il le dit à deux, trois reprises, il y a une admiration sans borne pour ce groupe d'hommes, alors, quelques intendants, une poignée de commis, qui réussissent à rétablir l'ordre. Bon, ce qu'on a beaucoup développé, c'est toutes les formes de circulation du pouvoir et les façons de, disons, d'assurer l'ordre autrement que par trois personnages qui se font obéir, on ne sait pas par quel miracle. Oui, c'est ça. Alors concernant les inégalités, de ce point de vue-là, disons que l'histoire économique s'est essentiellement intéressée, donc après cette grande vague des thèses en histoire rurale, d'un côté au monde marchand, et à la fin de l'édition de 66, Goubert annonce la parution de tout un tas de livres. Alors, certains n'ont pas vu le jour, effectivement, mais parmi lesquels Delumeau, Le commerce de Saint-Malo, bon, en réalité, ça sera l'espagnol, tout un tas de choses comme ça qui, on voit déjà apparaître toute cette historiographie sur le développement du commerce et un petit peu de l'empire colonial, à partir des années 1680-1690. Bon, ça s'est pas mal développé, pas mal d'études sur les transactions marchandes, sur tout ça. Et puis même sur le premier 17e que Goubert, de ce point de vue-là, maîtrise assez peu. Et puis, sur les inégalités, il y a également tout un groupe d'études sur les formes de transmission des biens. Des biens. Plus que sur les inégalités qui sont compliquées à mesurer pour cette période. Donc sur les règles juridiques, sur la façon de gérer les héritages, les indivisions, aussi bien dans le monde rural du reste que chez les élites. Et puis, ça, peut-être une des critiques que l'on peut faire, c'est que c'est encore une historiographie centrée sur la France, et peut-être aujourd'hui, évidemment, la question des circulations est une est totalement ouverte, et qu'aujourd'hui, c'est évidemment, on ne pense plus le Royaume de France comme une sorte de précaré, non pas militaire, mais politique, et qui tous les historiens travaillent sur à ouvrir les portes, à ouvrir les fenêtres et à aller voir ailleurs. Tous, je ne sais pas. Non. Mais ce qui est frappant, c'est que à l'intérieur, c'est un royaume, disons, où les gens n'ont pas l'air de bouger. Ils sont à leur place dans leur province. Et puis, effectivement, mais ça, on ne peut pas vraiment lui reprocher, il n'a pas de... il n'inscrit pas cette biographie dans une histoire ni européenne, ni globale, a fortiori. À laquelle il n'est pas totalement insensible, parce que... Non, c'est ce que lui reprochait d'ailleurs un peu dans ce terrible article des Annales. Brodel, parce qu'il dit Beauvaisis, c'est tout petit, c'est ridicule, c'est une trop petite région, alors qu'il faut s'intéresser au monde entier. Et puis la période à peine 100 ans, c'est trop court pour la longue durée. Et donc il dit, il a raté son coup d'une certaine façon. C'est assez terrible ce qu'il dit dans l'article des Annales, la critique des Annales. Donc on voit bien que il n'est pas non plus en phase avec la totalité de cette école des Annales, en l'occurrence, à ce moment-là. Il n'est pas en phase avec Brodel. Et pour autant, en tant qu'éditeur, Brodel va s'occuper de Pierre Goubert. L'opposition n'est pas aussi tranchée, c'est vrai. Nicolas Chapirin. En même temps, Pierre Goubert, il a consacré... il a consacré sa thèse complémentaire à la comparaison de deux lignées de marchands de Beauvais, donc il s'est pas intéressé qu'aux paysans, et il a montré les connexions nationales et internationales de ces marchands. Et dans Louis XIV et 20 millions de Français, c'est quand même aussi un élément fort de son dégonflage du monde de Louis XIV que de dire la France est avant tout un royaume paysan, peu ouverte sur l'extérieur, et ce que l'on minore toujours, c'est qu'à cette époque, il y a la prépondérance économique hollandaise. Oui, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Il dit d'ailleurs, regardons du côté de l'Angleterre, regardons ce qui se passe de ce côté-là, mais il le dit de façon relativement brève et il n'insiste pas beaucoup, et en particulier du côté de la Hollande. Jean-Marc Morisseau. Oui, je pense qu'il est délicat de se prononcer comme au tribunal de Josaphat, comme dit évidemment Lucien Febvre et que reprend Pierre Goubert, sur son Louis XIV et 20 millions de Français, qui peut pas avoir toutes les qualités, qui en a beaucoup. La question du commerce, par exemple, il l'aborde déjà. Les travaux de l'Espagnol dans Louis XIV et 20 millions de Français, il montre qu'à la fin du règne de Louis XIV, l'un des éléments, finalement, du succès économique de la France, il est lié au trafic avec les îles, justement, que l'Espagnol est en train de voir. Parce que Pierre Goubert a semé, j'allais dire, du grain, que beaucoup de ses disciples ont récolté, et il a eu la qualité de, même s'il n'est pas compétent surtout, d'utiliser déjà, de promouvoir les travaux de ses élèves, hein, de la première et quelquefois de la seconde génération. C'est vrai. Et ça apparaît déjà dans cet ouvrage-là. Alors moi je dirais, je vais être plus royaliste que le roi pour Pierre Goubert aujourd'hui, c'est-à-dire que je pense que toutes ces avancées sur l'histoire économique et sociale du royaume, qu'il s'agisse des villes et évidemment des campagnes, n'ont pas eu encore jusqu'à présent la destinée qu'elles devraient avoir. Et notamment quand ils s'intéressent aux manouvriers, aux petits exploitants, non pas aux gros, non pas aux élites, ces catégories sociales-là n'ont pas eu encore leurs historiens. Et je pense que avec l'évolution de l'histoire, notamment avec l'histoire des épidémies, avec l'histoire de l'environnement, il y a place pour une histoire sociale des petites gens qu'appelait de ses voeux Pierre Goubert, qui n'a pas encore été réalisé. D'accord. Alors évidemment, il y a des types d'archives qu'il avait bien vues, mais les sources judiciaires, par exemple, qu'il avait bien entrevues, peuvent, avec les égaux documents dont on parle aujourd'hui, être deux facteurs parmi d'autres de ce renouvellement qui impose effectivement une ouverture internationale, parce que ces campagnes de l'époque de Louis XIV, on en retrouve le pendant ou des contrastes avec les campagnes du monde germanique, par exemple, ou de l'Angleterre de la même époque. Nicolas Lyon, quand vous vouliez réagir Non, pas spécialement. Sinon, c'était toujours pour revenir sur cet aspect de... Bon, c'est une biographie de Louis XIV, donc c'est vrai que c'est centré sur Louis XIV et le royaume. Et que les autres pays n'apparaissent qu'à titre d'adversaire ou d'interlocuteur diplomatique. Ce qui est frappant, c'est que les populations des autres pays, elles, n'apparaissent pas. Il y a le marchand anglais, ou éventuellement le marchand d'Amsterdam, on ne le voit pas beaucoup. C'est vraiment deux lignes, même s'il est parfaitement conscient de, et ça je pense que c'est grâce en partie à Delumeau, pas qu'à lui, du basculement atlantique qui se produit à partir des années 1680, 1690. Il y a des intuitions absolument formidables sur, le fait, sur la non-cohérence du royaume à cet égard. C'est-à-dire qu'il est bien conscient que la moitié ouest n'a pas le même sort que tout ça. Et précisément à cause du travail des petites gens, parce que ce commerce international a des répercussions sur la fabrication de toiles en particulier. Mmh. C'est le grand objet du négoce international. Et disons que cette demande de l'Amérique espagnole qui passe par Cadix, puis par les ports de l'Atlantique français, lui, il la voit aboutir dans la quantité de travail de ces manouvriers, urbains. Quoi. Mmh. Anaïs Kien. Oui, Jean-Marc Morisseau, vous montrez dans une postface que vous avez rédigée à la dernière édition des Paysans français d'Ancien Régime d'Emmanuel Leroy Ladurie, comment les aînés, notamment Fernand Braudel, vont imposer des frontières chronologiques à Emmanuel Leroy Ladurie d'un côté et à Pierre Goubert de l'autre dans l'entreprise, dans l'actualité éditoriale historienne des années 70. Oui, c'est tout à fait étonnant. Là, on parle de Fernand Braudel comme la peau de la longue durée, du décloisonnement, qui montre la voie, en quelque sorte, à ces pauvres borgnes, boiteux et myopes que sont des historiens qui travaillent uniquement sur l'Hexagone. Or, c'est lui, effectivement, qui, dans le cadre de son pouvoir, qui était quand même extrêmement important, dans les années 60 et 70, impose des tranches chronologiques. Hein, qui vont couper complètement l'œuvre de certains de ces historiens. Emmanuel Leroy Ladurie, qui devait travailler sur une histoire des paysans qui allait de la plutôt haute antiquité jusqu'au 18e, 19e siècle, a dû prendre le pas derrière Pierre Goubert pour ses tranches de saucisson de l'histoire économique et sociale, qui devait s'arrêter en 1661, et repartir après. Donc, ces 161 n'est peut-être pas, pour l'histoire économique et sociale, un événement fondateur. Et ça explique notamment aussi l'itinéraire d'Emmanuel Leroy Ladurie, qui a dû reporter dans l'histoire de la France rurale, ce qu'il n'a pas pu placer dans l'histoire économique et sociale de la France, pour des soucis d'édition que Braudel patronnait. Donc, je pense qu'entre le discours convenu, encore une fois, sur la longue durée, le comparatisme, l'interdisciplinarité, l'ouverture d'esprit, qu'on ne peut que saluer, qui va le critiquer. Et les réalités sur le terrain, il faut être relatif. Hein. Et je pense que sur le terrain du marché de l'histoire, dans les de la production d'une de l'histoire, collection d'histoire, et puis même sur l'avancement de l'histoire. Hein. L'avancement de l'histoire, il se fait en fonction des compétences, des passions, évidemment, l'originalité des chercheurs, sans pour autant être uniquement canalisé par des prescriptions. Hein, fussent-elles de très bonne aloi, tout se juge sur le fond. Leroy Ladurie a continué après 1661 malgré tout. Il a dû sectionner évidemment son entreprise entre deux systèmes d'édition parce que son patron lui imposait de compartimenter chronologiquement une science historique qui est segmentée en périodes qui remonte à Guizot au 19e siècle encore aujourd'hui, et évidemment c'est un frein à nos recherches, cette périodisation qui est politique. Hein, et qui s'impose finalement à toute l'histoire économique et sociale actuelle. C'est intéressant cette question du marché de l'histoire qu'on fait, c'est parce que aussi Pierre Goubert, il est contemporain de cette explosion d'un marché de l'histoire qui est considéré encore aujourd'hui comme une sorte d'âge d'or, ce moment où effectivement les tirages étaient plutôt de l'ordre de entre 10 000 et 100 000 qu'entre 100 et 1000, ce qui serait plutôt le cas aujourd'hui souvent. Ah, ben de ce point de vue, quand même, Louis XIV continue à faire vendre, ou en tout cas continue à lécher les éditeurs. Hein. Oui. Il ne suffit que de voir les tables des librairies en ce moment où il y a beaucoup d'ouvrages, notamment sur la mort de Louis XIV. Je voulais réagir sur la date de 1661, sur cette question de la périodisation, parce que là c'est vraiment un cas où ce qui a été pensé dans le cadre, on peut dire, d'une propagande, hein, pour le dire vite, au XVIIe siècle, au temps de Louis XIV, continue à s'imposer à nous. Et je dois dire que c'est aussi imposé à Pierre Goubert, parce que il finit sa présentation du royaume par un chapitre sur les cadres institutionnels qu'il conclut par ces mots, reprenant les mémoires de Louis XIV, en disant finalement, en 1661, le désordre régnait partout. Et je crois qu'on peut dire que là, le tableau est très largement exagéré. L'ordre avait été ramené par Mazarin une dizaine d'années plus tôt, à la fin de la Fronde. Fanny Cossandet. Oui, effectivement, le Louis XIV de Pierre Goubert commence en 1661, quand le règne commence presque 10 ans plus tôt. Et il y a là la reprise, c'est là où on retrouve les ruptures classiques, qui est l'apparition d'un Louis XIV qui rompt avec les temps passés, qui sont à la fois les temps de son père et de son grand-père, quand les travaux actuels ont quand même montré dans quelle mesure Louis XIV, en fait, était dans la continuité des règnes précédents, et que la nouveauté était plus dans la capacité à mettre en avant les dimensions héritées du passé que de véritables innovations, notamment pour la cour et les modes de gouvernement. Oui, absolument. Un dernier mot, Nicolas Lyon-Camp. S'il l'a reproduit, c'est aussi parce que ça l'arrange. Cette date étant celle d'une grave crise démographique, la crise de l'avènement, le fait d'arriver à combiner les deux, la prise de pouvoir... Le fait politique et le fait démographique. L'arrange énormément. C'était utile. Un dernier mot, Nicolas, oui, peut-être toujours sur 1661, c'est-à-dire que effectivement, depuis, les historiens ont relativisé cette coupure, mais malgré tout, il reste toute une historiographie autour de Louis XIV qui insiste encore aujourd'hui sur cette coupure. Donc là, il y a plusieurs histoires et qui sont aussi sans doute des histoires éditoriales. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus parler de l'œuvre de Pierre Goubert, en particulier de Louis XIV et 20 millions de Français. On peut vous conseiller de vous rendre à l'École normale supérieure de Lyon si vous êtes dans la région, site Descartes, salle F08. Donc c'est le 13 octobre prochain, entre 14 et 17h30, une journée d'études consacré à l'œuvre de Pierre Goubert, comprendre, faire comprendre et faire revivre Pierre Goubert ou comment faire œuvre d'historien, et vous y participez. Nicolas Chapira, merci donc à tous. On attend avec impatience votre livre sur l'Iran et Laurent, en l'occurrence dans la France d'Ancien Régime et dans le XVIIe siècle. Fanny Cossandet, c'est pour quand ? Avril ou septembre, c'est chez Gallimard. On prend rendez-vous pour cette date-là. Merci Jean-Marc Morisseau. Tous vos travaux vos travaux sur les paysans en particulier, sur la France et le loup, sur le site de France Culture. Et qu'est-ce qu'on peut conseiller de vous, Nicolas Lyon-Camp, qu'on peut déguster? Un titre qui n'a absolument rien à voir avec Louis XIV, La boîte à Perrette. Ouais, absolument. Qui porte sur le jansénisme au XVIIIe siècle. Exactement. Elle est parue il y a 2 ans maintenant, c'est cela? Ou un an? 2 ans, je crois. 4 ans? Ah, déjà 4 ans. Ça va si vite. Merci à tous. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vanabe Olivier et Aurélie Marseille. Merci à Anaïs Kien de nous avoir accompagnés toute cette semaine sur Louis XIV. Jean-Guy Lamège était avec nous à la technique, Anne Fleury à la réalisation.